Mon rap affecte la météo. Je combats les fourmis, je suis hétéro. Peut-être qu'un jour elles comprendront dans quel confort je m'apprête à mettre la mif ou mettre les rots. Pas besoin de ninja médical. Si tu restes tranquille, ne joue à pléro. Il existe un immense écart entre chants que c'est pas gros qu'on font à play role. Un tour de low kick. Je suis loin de la merde que ces fans dévorent. Autoporoki, des flammes recouvrent ma barbe et je suis un dévore. Une phrase, je suis topiste. Mais si la mif fait bien, je m'en fous de périr. J'ai trouvé le One Piece. Mais putain, j'aurais préféré le million de Berry. Captain, Captain. Hein, jusqu'ici j'étais mignon. Si vous voulez pas voir le côté obscur, il va falloir me l'apporter mon million. Dans mes rêves, j'ai des visions. Comme le blond de Konoha, mes sommes se multiplient. Les business se fructifient. Ça fonctionne du tonnerre, tellement de partenaires. Mes plugs m'ont surnommé la multiprise. Chez moi les rêves deviennent réalité. Après le Tsukiyomi, mais je suis en forme. C'est promis, y'a Kakashi qui finit à l'été. Et la cité, je veux plus y habiter. L'assassin de Soul King, 5 ou 6 en booking. Après ça, de cette vie, je peux m'acquitter. Nami à la compta pour m'assister. Des millions d'euros, des millions de berries. Sur la route du bif, beaucoup de mecs ont péri. Des millions d'euros, des millions de berries. T'en as pas, t'es malade et t'en as, t'es guéri. À poto, c'est terrible que le bif t'en permet. Quand il y a goûté, t'as du mal à Veski. On s'est décidé d'obtenir un jour la puissance financière de la Mifa Denki. Tout est carré tant qu'on a le rectangle. Avec du papel, on arrondit les angles. Sur la table, on veut mettre autant que Yumeko. Dévoiler des quichetas qui rendent groggy les gens. Devenir une légende de ce monde capitaliste. Peser comme la capsule corp en zénith. C'est la fin du bal, envoyez-nous le ralice. On veut tous obtenir le million de Berry. Faut faire de l'oseille, faut faire de l'oseille, faut quitter la thèse. Des millions d'euros sur ma tête, ce que je veux je l'achète. C'est ça qu'on apprécie, je suis dans le même délire depuis le départ. Depuis le départ, je veux faire du bif, je veux plus les parts. Je veux plus les parts. Je veux un million de berry. Qui j'ta longue, longue comme la série. Je veux un million de berry. Qui j'ta longue, longue comme la série. Je veux un million de berries. Qui j'ta long long comme la série. Je veux un million de berries. Qui j'ta long long comme la série. Je veux un million de berries.